Brèves histoires de la culture par Jérôme Clément. Qui a inventé l'expression « la nouvelle vague » ? Ce n'est pas Richard Anthony avec sa chanson si célèbre. C'est Françoise Giroud, dans l'Express, en 1957, le 12 décembre, qui commentait une enquête destinée à définir ceux qui, dans 10 ans, auront pris la France en main. La nouvelle vague, c'est une France qui change. Roger Badim avait, un an auparavant, jeté sur la scène cinématographique un nouveau mythe féminin vivant, Brigitte Bardot. Et Dieu créa la femme, incarnation de la liberté sexuelle, d'une joie de vivre et d'abord celle d'une nouvelle génération et d'une nouvelle époque. Tes parents disent que tu mens tout le temps. Je mens de temps en temps, quoi. Des fois, je leur dirai des choses qui seraient la vérité, ils ne me croiraient pas, alors je préfère dire des mensonges. Le cinéma s'approprie cette expression. Et en 1959, trois jeunes réalisateurs font sensation. François Truffaut avec Les 400 coups, Alain Resnais avec Hiroshima, mon amour, et Marcel Camus avec Orfeo Negro. Mais c'est à bout de souffle de Jean-Luc Godard et les réflexions autour d'un petit groupe de cinéastes, Truffaut, Godard, Romère, Rivette et Chabrol, liés au cahier du cinéma, qui consacreront cette nouvelle vague dont l'écho international fut grand. La France des années 50 s'est reconstruite. La colonisation prend fin. Elle choisit de se doter d'institutions présidentielles en 1958. La nouvelle vague, c'est d'abord une explosion de tendances. D'autres courants apparaissent. Jacques Demy, Agnès Varda, Pierre Caste. C'est le cinéma qui incarne le désir de tourner la page de l'après-guerre. Chabrol avait donné le ton avec Le Beau Serge. Filmer autre chose avec un autre état d'esprit, dit Truffaut. Être follement ambitieux et follement sincère pour que l'enthousiasme des prises de vue se communique à la projection et qu'il gagne le public, dit Jean-Michel Frodon, citant un article célèbre de François Truffaut. Une certaine tendance du cinéma français. Ils sont bien décidés à ouvrir les portes de la vie, sortir des studios, filmer les acteurs en mouvement. Qu'est-ce que je peux faire ? C'est pas quoi faire ! Non, j'écris ! Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard, plusieurs années plus tard, confirme cette rupture, tandis que Truffaut poursuit de film en film le récit de la vie d'Antoine Doinel, tout en élargissant son propos. Mais c'est de Jules et Jim, tourné en 1962, que je vais vous parler maintenant. Pourquoi ? Parce que ce film de François Truffaut m'a touché plus qu'un autre dans mon adolescence et que par la suite, j'ai eu la chance de bien connaître Jeanne Moreau. Est-ce que quelqu'un ici accepterait de me gratter le dos ? Gratte-toi le ciel de grattera. Quoi ? Gratte-toi le ciel de... Tiens ! Avant de vous connaître tous les deux, je ne riais jamais. C'est en 1953 que le livre de Rocher, premier roman autobiographique d'un homme de 74 ans, est lu par Truffaut et il pense à faire du cinéma en lisant ce livre. Il ne réalisera le film qu'en 1962. Catherine partage ses amours après la Première Guerre mondiale entre Jules et Jim, un Français et un Autrichien. Ce ménage à trois donne à Jeanne Moreau un de ses plus grands rôles. Jeanne Moreau, jeune actrice, joue pour Louis Malle dans Les Amants et Ascenseur pour l'échafaud. Jim, quelle nuit j'ai passée. Je n'avais rien à faire là. Cette vie, cet esprit était mort pour moi. C'était un désert, Jim, à en mourir. Je parlais de toi, je te cherchais. Tu m'écoutes ? C'est bien toi ? Alors viens tout de suite. Une nouvelle star est née, que Truffaut admire depuis longtemps. La plus grande amoureuse du cinéma français, écrit-il. Jeanne Moreau joue un rôle clé dans l'écriture, la confection et la réalisation du film. Une femme fragile et fatale, intelligente et vive, drôle et tragique, libre et souveraine, suivant jusqu'au bout les pulsions du désir, disaient Antoine Debac et Serge Toubiana dans leur biographie de Truffaut. Jean Renoir, spectateur enthousiaste de Jules et Jim, envoie une lettre à Truffaut à propos du film. La plus précise expression de la société contemporaine que j'ai vue à l'écran. C'est très important pour nous autres, hommes, que de savoir où nous en sommes avec les femmes. Et également important pour les femmes que de savoir où elles en sont avec les hommes. Vous aidez à dissiper le brouillard qui enveloppe l'essence de cette question. Un film devenu mythique qui commençait ainsi par cette phrase dite en exergue. Tu m'as dit je t'aime, je t'ai dit attends. J'allais dire prends-moi, tu m'as dit va-t'en.